Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le bingo au Québec. Moi, je voudrais lui donner des fers à se passer des toasters. Ça, c'est bon pour le genre de bingo qu'on voit dans un tambola, une foire agricole. J'ai rien contre ça. Ça, il y a une clientèle pour ça. Mais moi, le monde, ce qu'ils veulent avoir, c'est de l'argent. Paul Labbé, qu'on entend ici dans un reportage diffusé à l'émission Le sens des affaires en 1986, Paul Labbé, qui était à l'époque le plus important organisateur de bingo au Québec, ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de Monsieur Bingo. Au milieu des années 80, Monsieur Bingo, qui était organisateur de 800 bingo, avait, tenez-vous bien, un chiffre d'affaires annuel de 10 millions de dollars. Si le bingo, ça a été donc pour certains promoteurs une machine à gros sous dans ses plus belles années, le bingo, évidemment, a aussi fait partie de la vie sociale de milliers et de milliers de Québécoises. Que le bingo, c'est pratiquement uniquement le jeu. Mais il y a des gens qui viennent ici, on le sait davantage maintenant, lorsque l'arrêt des bingos s'est fait durant un mois, là, au mois de janvier, les gens nous téléphonaient nous disant « On s'ennuie énormément à la maison, mon mari est à l'extérieur depuis 2 semaines, je ne peux pas aller seul, sortir seul, aller à tel ou tel endroit. » Alors si on avait au moins cet endroit-là pour passer une soirée en dehors de la maison, pour elle, c'est, même si elle ne gagne pas du tout, là, c'est une soirée agréable, très bon frais. Tiré de la comédie musicale Belle-sœur, l'ode au bingo de Daniel Bélanger. Vous entendiez aussi dans cet extrait le marguillier de la paroisse montréalaise de Saint-Gilbert, Jean-Guy Perrault, a parlé de la place qu'occupe le bingo dans la vie de certaines de ses paroissiennes. Extrait tiré de l'émission Format 30 du 25 mars 1970. Pour nous raconter l'histoire du bingo, je reçois Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements. Laurent Turcot, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Ce qu'on vient d'entendre, cet extrait de la comédie musicale Belle-sœur, mais le texte au départ où on parle de bingo dans ce classique québécois de Michel Tremblay, Belle-sœur, les Belles-sœurs, ça nous en dit déjà beaucoup, Laurent, sur la place qu'a eu ici le bingo. C'est une des grandes scènes du théâtre québécois, on a envie de dire. Même les jeunes acteurs qui apprennent le théâtre québécois pour avoir une langue qui soit, non pas châtiée, mais une langue réelle, comme on dit à l'époque. Il faut retrouver ce que les Montréalaises dans les ruelles du plateau Mont-Royal ont comme accent. Et quand le bingo, on insiste bien sur ces deux, ce mot qui révèle beaucoup plus qu'un simple jeu. Et l'extrait du marguillier révèle encore plus parce que ça montre que au-delà du jeu, il y a la notion de ciment social. Oui. L'idée de canaliser le désir de rassemblement. Et il y a ça. Un mois d'absence, c'est le désarroi. C'est chez les paroissiennes, c'est ça qu'il nous dit. Et on n'est pas dans la solitude, on est en communauté. Oui. Et dans la scène de Michel Tremblay, justement, toutes disent aimer le bingo, mais elles le font ensemble. Oui. Ensemble, seul, mais ensemble toujours. C'est ça qui est magnifique. Donc un aspect évidemment lié au jeu, au possible gain, mais beaucoup plus que ça. Un lieu social où on se retrouve entre copines, où on jase de plein de choses. C'est ça, à sa belle époque, le bingo. De fait, ça remonte à quand, les origines du bingo, Laurent? Ben, le bingo tel qu'on le connaît actuellement, c'est assez moderne, 20e siècle. En revanche, vous savez très bien comme moi qu'il n'y a pas de génération spontanée. On aime toujours, des fois en histoire, dire « bon, mais ça s'est passé telle date, à tel moment exactement, à telle heure, de telle seconde ». Non. Il y a une lente émergence, une langue mise en route. On pourrait remonter jusqu'à l'Antiquité, mais plus sérieusement jusqu'à la Renaissance. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il y a une expansion des jeux, une espèce de dérive ludique, parce qu'il y a l'impression. Et l'impression va permettre, quand j'ai imprimé, ça veut dire désimprimé carrément, ouais. Là, où on va permettre de générer réaliser des règles de jeu. Et notamment, un jeu qui était à l'origine du bingo, lo gioco di lotto. Ça veut dire le jeu du loto. Vous savez savez ce que c'est que le loto. Vous l'aviez à la télé aussi, on fait tourner dans un boulier des numéros, on sort les numéros et si vous avez la séquence, ben vous gagnez. Mm-hmm. Et ça, ça date du 16e siècle. Plusieurs vont le réutiliser, les États vont s'en saisir. Au 18e siècle, Casanova, quand il arrive à Paris, va faire fortune avec le jeu de loto. Il va devenir la coqueluche parisienne. Et tout ça, ben, les États vont se dire, il y a peut-être une espèce de taxe volontaire. Souvenez-vous ce qu'on dit à propos de l'Auto-Québec. La taxe volontaire en faisant croire un possible gain qui n'arrivera jamais parce que vous avez plus de chances de vous faire frapper par la foudre que de gagner au 649, par exemple. Oui. Mais il y a cette espèce de longue basse continue qui date de la Renaissance. Mais le mot comme tel, ou plutôt le jeu comme tel, il arrive au 20e siècle. On a une double origine, ou plutôt une double paternité, parce que ce sont des hommes. Il y a Hugh G. Ward, dans les années 1920, qui arpente les fêtes foraines américaines. Les fêtes foraines américaines, si vous voulez une image, essayez d'imaginer Coney Island. Vous la voyez dans Big, avec Tom Hanks, justement, qui arpente cette espèce de grand boardwalk avec les manèges un peu vieillots. Ben lui, il se rend compte qu'il y a des jeux, dont un jeu qui ressemble au bingo. Et lui, il va écrire un livre en 1933 qui aurait régulé le bingo. L'autre père, donc c'est une paternité double, comme je vous disais, c'est Edwin Lowe. Mais Edwin Lowe, lui, il va aller voir un professeur de mathématiques de l'Université Columbia, Carl Laffer, et il va lui dire, bon, ben j'aimerais que tu me fasses toute une déclinaison de possibilités pour la carte que je veux décliner. Ouais. Et selon la légende, Laffer serait devenu fou parce qu'il y avait trop de possibilités. À l'époque, on n'est pas dans la calculatrice. Ouais. Les calculs sont manuels ou mentaux. C'est-à-dire qu'il faut avoir soit une grosse tête, soit beaucoup de papier et être capable de le faire. Mais ça va prendre de l'expansion et c'est ces deux personnages qui vont faire la popularité du jeu aux États-Unis dans les années 40, dans l'État de New York, de la Pennsylvanie jusqu'à la Floride. Vous retrouvez des jeux de bingo. Ouais. Le mot bingo, parce qu'il y a une petite histoire aussi derrière ce mot-là, ça vient d'où? Ben, il y a une des histoires qui veut que ce serait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les pilotes américains, quand ils lançaient, ils touchaient la cible, ils criaient bingo, ce qui voulait dire atteindre la cible. C'est une des versions, il y en a plusieurs, mais comme toujours en histoire, quand ça fait partie de la légende, on n'arrive pas à le cibler. C'est une de celles qu'on a retenues. Ouais. Au Québec, même si ça a été, on le voyait au début de l'émission, très, très populaire, très profondément inscrit dans la société québécoise, dans la sociologie québécoise, ça arrive tardivement, le bingo. Quand est-ce que ça arrive chez nous et pourquoi ça arrive si tard, Laurent Turcot? Ça arrive très tard parce que, vous le savez, on a appelé la période du début du 20e siècle, surtout sous l'ère du Plessis, la grande noirceur, l'Église, bon, faudrait la nuancer, mais l'Église, c'est vrai qu'elle a une prestance, une puissance extrême, mais plus encore, elle a une puissance morale. Et dans la religion chrétienne, et plus encore catholique, parce que les protestants, c'est différent, donc chez les catholiques, on n'a pas le droit de spéculer sur la providence divine. Ce qui veut dire que de parier sur un jeu de hasard, c'est de parier sur les volontés du Tout-Puissant. Donc, nous sommes en train de nous excommunier, ou commettre un acte qui est contre la religion sur le fait de parier ou de jouer sur le hasard, parce qu'il n'y a même pas question d'argent. Chez les protestants, c'est possible. Ouais. Donc, on peut spéculer. D'où la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que ça a très bien marché dans les États protestants du sud des États-Unis. Mais ici, au Québec, le jeu non seulement subit un opprobre extrêmement fort, mais l'Église ne veut pas que ça soit joué. Quelque chose d'immoral là-dedans, de lait, de sale, on touche pas à ça, au bingo. Il y a un paradoxe formidable, c'est que arrivera la Révolution tranquille, ce qui fera que petit à petit, il y aura une désertion des Églises et que l'Église va se mettre à miser sur le bingo pour renflouer ses caisses. Il n'y a plus de monde à l'Église et la quête est moins forte. On écoute un extrait de reportage présenté à l'émission Format 30 en 1970 sur l'importance justement que le bingo va prendre pour l'Église québécoise sur le plan financier. Vous allez entendre le curé de la paroisse Saint-Gilbert, Gilles Faubert, suivi du marguillier de la paroisse de la même paroisse, Jean-Guy Perrault. L'an passé, les bingos ont rapporté à la paroisse un profit net de 41 000 $. Il faut dire que la paroisse est jeune ici et que nous avons actuellement une dette de 430 000 $. Nous devons remettre 29 000 $ d'intérêt chaque année. Et nous avons essayé toutes sortes de façons de payer cette dette, les quêtes diminuant et tout ça. Mais nous avons trouvé que le bingo était une source de rentabilité extraordinaire. Si nous n'avions pas nos bingos, nous serions dans une situation très précaire. Assez précaire même que On ne sera pas, on sera même pas capable d'arriver dans nos obligations, qu'on sera peut-être obligé de fermer nos portes. Alors, c'est une chose qu'on ne peut pas se permettre, parce que nous avons ici dans Saint-Léonard, comme partout dans la province, il y a encore une classe de gens qui sont réellement chrétiens, catholiques, et puis on ne peut pas se permettre de fermer une église. Ça ne s'est jamais vu encore, et puis on ne verra pas être les premiers, puis je ne crois que c'est une chose qui serait inexplicable de dire de fermer une église. Alors, le bingo, définitivement, c'est une source de revenus énorme pour ici la paroisse de Saint-Gilbert. C'est extraordinaire, cet extrait, Laurent Turcot. À une certaine époque, les revenus générés par le bingo sauvaient des églises, des paroisses. Quelle importance va avoir le bingo pour l'église? Et inversement, à partir du moment où l'église investit ce champ-là, quelle importance l'église va avoir dans cette activité, le bingo? On rentre dans un croisement d'influences très problématique pour l'église catholique. Vous allez voir dans quelques instants, mais vous avez raison de dire que l'église perd des fidèles. On ne va plus à la messe, donc les gens ne donnent plus la quête. Et là, vous allez me dire, oui, mais l'église a fait vœu de pauvreté, elle n'a pas besoin d'avoir de l'argent. Attendez, l'église est un des grands propriétaires immobiliers au Québec. Et qui dit propriété immobilière veut dire entretien, ouais. Gestion. Vous avez des gens qui sont derrière. Vous avez aussi la gestion du séculier. Donc, tout ça nécessite de l'argent. Et comme on n'a plus de revenus, ben il faut très vite en trouver. Et c'est là que le bingo arrive. On dit, bon, ben on va louer les salles des sous-sols des églises et ça va devenir un vecteur déterminant dans l'activité économique de l'église, mais plus encore dans la survie. L'extrait qu'on vient d'entendre, je pense, cristallise cette espèce de basculement qui est en train de se passer au Québec dans ces années-là, parce que peu de gens le mesurent. On se dit, on suit la file. On va vers là, le Québec moderne. Mais là, il y a quand même le Québec, non pas des temps anciens, mais le Québec religieux qui, oui, lui perdure. Et le Marguillier qui parlait disait, il y a encore, oui, des catholiques, parce que bien que ces gens se détournent de l'Église, ça ne fait pas d'eux des athées pour autant. Certains, vous le savez encore aujourd'hui, ne vont jamais à la messe, mais à la messe de minuit, tout d'un coup, c'est plein. Il y a une espèce de tronc commun qui reste à ces gens et ils veulent préserver, oui, ce qui est le cœur. Et là, c'est touchant, en fait. Parce qu'on entendait, oui, une espèce de responsabilité là, quand on entendait le marié et le curé nous dire on leur doit ça à ces fidèles, à ces paroissiens qui viennent peut-être plus à l'église, mais qui croient toujours. Et l'église va devenir l'espace où le bingo va se développer. Encore aujourd'hui, on se souvient, le sous-sol des églises aujourd'hui est utilisé un peu comme une salle communautaire. Mais à l'époque, certes comme une salle communautaire pour le catéchèse, par exemple, qui est tout à fait dans la mission de l'église. Mais est-ce que le bingo, qui sous-entend un gain financier, est quelque chose à conserver pour l'église? Parce que là, vous avez parlé de montants quand même assez conséquent, ouais, des 40 000 $ à l'époque, dans les années 60, c'est une véritable fortune. Non seulement on peut entretenir l'Église, mais s'il y a un profit, qu'est-ce qu'on fait avec ce profit? Et de quelle nature est l'activité qui génère ce profit? On revient à l'opposition de l'Église avant cette nécessité économique, quand l'Église disait pas de telles activités chez nous, non pas chez nous, mais on condamnait ce genre d'activité où qu'elle se fasse. Ce débat-là va revenir au sein même de l'Église. Le prochain extrait en témoigne très, très bien. Contestation donc de l'association de l'Église au bingo au sein même de l'Église. Extrait de l'émission Présent de juin 1970. Vous allez y entendre l'abbé Gadebois de la paroisse Saint-Jean-Baptiste du Mile-End à Montréal. Dans l'Évangile, les Juifs avaient besoin d'œufs, de colombes, de volailles à offrir pour leur sacrifice. Ils en avaient besoin et on s'est dit, plutôt que de courir d'un magasin à l'autre pour acheter des volailles, on va les vendre dans l'église, dans la synagogue. Et quand Jésus-Christ est arrivé là-dedans, il a mis la hache dans tout ça. Alors présentement, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui arrive. On se sert de la finance des paroisses devant laquelle on est obligé de faire quelque chose. On se sert de cette urgence, de cette précarité des fabriques, des finances des fabriques pour faire des bingos qui donnent une fausse image de l'Église. Et selon moi, ça nuit, et d'une façon pas mal importante, selon moi, ça nuit à l'activité pastorale des chrétiens. Je connais des paroisses où ils ont mis les scouts et les louveteaux dehors pour prendre les locaux des scouts et des louveteaux afin de faire des locaux pour le bingo. Je connais des paroisses qui ont mis le service des loisirs de la ville de Montréal dehors pour permettre encore une fois à plus de jeunes allaient au bingo. L'Église québécoise, en crise, d'une certaine façon, Laurent Turcot, autour de l'existence des bingos et de l'utilisation, de la récupération du bingo par les églises. On l'entend, il est très clair dans son opposition, l'abbé Gadebois. Il va gagner, au fond. Ce camp-là va gagner. L'Église va finir par se retirer du marché du bingo au Québec. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est tout à fait normal, de toute façon, parce que je vous le disais dès le départ, il y a une opposition de base, une opposition qui est dans la Bible même, dans plus encore dans la tradition, dans le conservatisme de l'Église catholique. On ne peut pas penser une Église qui fait de l'argent. Certes, certaines communautés sont riches, mais ce ne sont pas les individus qui sont riches. Mais de spéculer et de gagner de l'argent avec une entreprise, là, ça devient problématique. Et l'extrait qu'on a le montre, on met les autres groupes communautaires dehors pour faire de l'argent. Donc, ce qui va primer, ce qui va gagner, c'est le vœu de pauvreté, la moralité, la décence, mais surtout l'idée de donner une image. Parce que imaginez un peu le curé qui monte en chaire pour dire « il faut se détourner des biens matériels, de l'accumulation inutile, de l'argent. » Et là, tout d'un coup, quelqu'un lève la main en disant « on se calme parce que dans à peu près 15 minutes, on va descendre, puis vous allez faire de l'argent avec le bingo. Mmh. » Donc, voyez un peu, pour la nécessité de la décence morale, on va mettre le bingo dehors. Mais là, ça laisse un vide complet. Ouais. On est à la fin des années 70. Et quand on dit qu'il y a un vide, c'est un marché qui se compte, vous l'avez dit en ouverture, bientôt en millions de dollars. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce marché-là? Bien, c'est à la fin des années 70 que va être créé ce qui va devenir l'Auto-Québec, la régie. Et peu à peu, on va légaliser le bingo. Mais attention, on se rend compte que le bingo, il a une capacité à faire de l'argent, mais seulement pour les communautés charitables. Un entrepreneur qui veut capitaliser et faire rapidement de l'argent, il ne pourra pas. On va l'empêcher par tous les moyens et on devra automatiquement créer un OSBL, un organisme à but non lucratif, pour être sûr que les profits ne soient pas détournés. Oui, et c'est ce qui va arriver. Donc, le vide laissé par l'Église va être comblé par ces OSBL qui vont organiser des bingos. Tout ça va être supervisé par cette autorité. Ça, éventuellement, l'Auto-Québec va carrément mettre le grappin sur les bingos, mais un peu plus tard. Et puis, à côté de ça, il y a les Autochtones aussi, qui vont sentir une bonne affaire avec le bingo et qui vont décider également d'investir dans le marché du bingo. Ça va créer certains remous, Laurent. Ah, énormément, parce qu'à l'époque, dans les années 70-80, on a un maximum de prix qui peut atteindre 3 500 $. Vous ne pouvez pas aller au-delà, mais vous traversez juste sur l'île de Montréal, à Kanawake, et là, on offre des prix de plus de 10 000 $. Donc, où vont-ils se déplacer, les grands joueurs de bingo qui veulent gagner et capitaliser? Ben, du côté des réserves autochtones. Ce qui fait qu'ici, au Québec, va se créer ce qu'on appelle les seigneurs du bingo, où là, on va créer des faux organismes de charité pour avoir plusieurs institutions reverser à des fausses entreprises les profits qui, en fait, vont dans une seule main, les grands seigneurs du bingo. Et là, l'Auto-Québec n'aura pas le choix. On va engager des inspecteurs pour être sûr qu'il n'y ait pas de détournement de fonds, que les gens s'en mettent pas plein les poches, que ça soit définitivement remis aux organismes de charitable, aux organismes charitables, pardon. Mais vous voyez très bien où ça s'en vient, tout ça. Le bingo, qui au départ était quelque chose qui est né dans l'Église au Québec pour aider l'Église, est maintenant détourné au profit de gens qui veulent faire le plus d'argent possible. Les joueurs, eux, en ont besoin, parce que ça, on n'en a pas parlé encore. Ceux qui vont beaucoup y assister, ce sont les femmes. Oui. Parce que dans les années 60-70, les hommes trouvent dans la taverne le lieu de sociabilisation masculine par excellence. Les femmes qui, elles, sont laissées à la maison, vont trouver dans le bingo le lieu de socialisation. Ça va devenir leur taverne. C'est ce qui nous ramène aux belles-sœurs, justement. Oui. C'est ce qui fait que les belles-sœurs, étant incarnées dans la culture canadienne-française, de voir ces femmes qui font un cri du cœur pour dire « je n'ai pas de vie, mais j'ai le bingo ». Et l'équivalent, ça serait Brou, les trois gars qui sont à la taverne. Vous avez deux pièces qui se veulent drôles, mais qui, à leur manière, sont une forme de sociologie québécoise. Mais chez les femmes, ce n'est pas pour rien. On retrouve le bingo. Le Auto-Québec va devoir, à un moment donné, carrément, avec ce système de fraude que vous décriviez, ce détournement d'argent qui ne va pas aux OSBL, mais qui va dans la poche de certains particuliers. L'Auto-Québec, en 97, décide de vraiment entrer dans la partie. De quelle manière intervient l'Auto-Québec à ce moment-là? Régir, encadrer et surtout créer un nouvel organisme qui va être la Société des bingos du Québec, qui est créée le 3 juillet 1997. Et là, on dit que tous les revenus vont être versés dans la poche de l'État, qui ensuite va redistribuer aux OSBL. Ça va être en 2002. Donc, dorénavant, on prend en charge, qui était une industrie visiblement qui qui prônait les détournements et qui empêchait les gens d'en profiter. Quand je dis les gens d'en profiter, là, c'est pas nécessairement les joueurs, parce que les joueurs, ils en profitent. Mais ceux qui devaient véritablement toucher l'argent, les organismes charitables, ben là, eux, ils n'en profitent plus. L'État va dire, bon, ben, l'argent passe par nous, après, on redistribue. Donc, assainissement qui se fait à ce moment-là, mais il y a un problème quand même pour ces organismes qui bénéficient des revenus du bingo, c'est que le bingo est de moins en moins populaire. On assiste à un déclin au début des années 2000, entre autres. Ça correspond à quoi? Pourquoi tout à coup on se désintéresse du bingo? On se désintéresse du bingo pour différentes raisons. La première est la transformation, plutôt la révolution des grandes technologies. De plus en plus, Internet, c'est pas neuf, hein, ça date des années 90, Internet était déjà présent. Mais au début des années 2000, c'est qu'on voit des échanges, des logiciels de partage, mais plus encore des jeux en ligne. Le poker, le bingo en ligne aussi, oui, commence à exister, mais le bingo passe un peu de génération. Il devient un peu confit dans une époque qui n'est plus celle de la génération actuelle. Les baby boomers ne s'y retrouvent plus, ça date également, et on va délaisser ces grands espaces, parce que rappelons-le, un espace de bingo, c'est beaucoup de place à prendre, et plus le prix de l'immobilier augmente dans les grandes villes, moins c'est rentable, parce que c'est pas avec des petits gains de 3 500 $ que vous allez attirer des tonnes de gens. Mais la pire des attaques qu'il y a eu, qui était une attaque indirecte en quelque sorte, c'est en 2006, c'est la loi anti-tabac qui empêche justement de fumer dans les bingos. Du jour au lendemain, 20% de la clientèle quitte. Ouais. Parce qu'il y a de moins en moins d'espace où les gens peuvent socialiser en fumant, si ce n'est qu'à moins 30 dehors. Et là, ils trouvaient le bingo ce moment de socialisation. Aujourd'hui, Laurent, il en reste quoi? Il en reste une version un peu bizarre que vous avez peut-être vue à gauche et à droite. L'Auto-Québec a tenté de relancer la chose en mariant deux jeux qui étaient le bingo et le keno. Le keno, si vous allez à Las Vegas, vous allez jouer à un moment donné, vous avez une carte mais avec des numéros, plus de lettres. Et là, une fois que vous avez rempli toute la carte avec les numéros, ben vous gagnez. On essaye d'axer sur le moment jeune, sur le côté couleur, sur le côté principauté précise. Mais là, ça pas marché. Et là, on est dans l'idée peut-être que le bingo a passé son temps. Et ça a été le jeu d'une génération. Et on devrait peut-être faire une pierre tombale dans un cimetière catholique avec le bingo 1960-2015. En tout cas, il nous reste quelques éléments, des souvenirs, des photos, et on pourra écouter l'Ode au bingo de Daniel Bélanger. Ce sera toujours ça de prix. Oui, et ça va toujours rester un moment crucial dans l'histoire du Québec. Merci beaucoup, Laurent Turcot. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.